jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand est là aussi. Il fait le reste. Il fait tout. C'est sérieux, c'est comme ça, c'est la vie. The Paris Sisters vont commencer l'émission. On aura un peu de Tennis Coat, Chick Bullock, des trucs pas si récents que ça. On a des trucs de 2015, de 2017, bientôt on dira, ça fait tellement 2017. Puis des trucs de 79 à 83, un peu de 82, du 80, du 85, du 83 à nouveau, du 81, du 86, un peu de 2009, ah ben oui, avec Jess Oulbadou et Amadou Ahmed Lula. Puis un groupe dont j'aime beaucoup le nom, les Vikings de la Guadeloupe. Ah ouais, ça c'est du joli. Et si on veut tout entendre, vous savez ce qu'il faut faire? Ben, il faut commencer. Tonight there is no moonlight, no fragrance, no rawness, no lock. And lovers retreat to the ego motel. At times, colored birds would leave their nests, go espionage hunting for something hard, sex or jazz, or both. But not tonight. Yesterday a deaf man stole a car, attracted to the garter hanging on the rear view. Tonight he sleeps in a normal bed, dreaming of empty beehives. The compulsive are not leaping fleet naked into the lake. There are no fresh bridges to jump from. A conspiracy among the unborn. Procrastinate another day. All kicking in the labor room flattens to a hum. And that light in the sky is in Venus, but the lost signals of a flashlight that the meter man dropped at noon. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you, had to be you. Might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you, it had to be you. Ouais, ça commençait avec un petit bloc très doux. Oui, voilà, très doux. Avec d'abord The Paris Sisters, oui, sur une compilation Early Girls, volume 1 de 1997, la pièce I Love How You Love Me, qui a été leur grand succès de 1961. C'est ce qui les a fait connaître. Puis, il y avait de la suite dans les idées. He Knows I Love Him Too Much, All Through the Night, Be My Boy, Let Me Be the One, Dream Love. C'était de la chanson d'amour. Trois sœurs, Priscilla Paris, Albeth Paris et Cheryl Paris. D'ailleurs, Priscilla Paris est morte à Paris. Voilà, je sais. Puis l'autre, Cheryl Paris, la plus jeune du trio, a été l'assistante personnelle de Bob Barker à The Price is Right. C'est quand même une belle occupation, à mon avis. J'aurais aimé faire ça dans la vie aussi. Algebra Suicide nous faisait Tonight, tiré de Feminine Squared de 1984. En fait, oui, on parle plus de Lydia. La T-O-M-K-I-W pour une Ukrainienne, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, on va dire Tom Q. J'imagine que les Américains ont dû finir par dire Tom Q. Elle est née en 59, morte en 2007. Poétesse, chanteuse, écrivaine, compositrice, etc. Puis, elle avait fondé le groupe Algebra Suicide avec son mari Don Hedeker. Puis, elle venait de parents ukrainiens, oui, qui étaient à l'époque où ils sont arrivés aux États-Unis, qui étaient en URSS. Ensuite, on est passé à Tennis Coats, des Japonais qui nous faisaient Kakoi, Totemo Aimasho, c'est le nom de l'album de 2007. Et nous avons terminé avec la jolie voix de Chick Bullock, It Had to Be You de 1940, sur The Essentials de Chick Bullock 1932-41. Il a chanté pour plein de monde, Chick Bullock. Il aimait pas beaucoup faire de la scène, par contre, mais il a chanté pour vraiment, vraiment plein de monde. Puis, bon, 500 pièces environ. J'ai enregistré, ce qui est quand même pas si mal. C'est quand même, j'allais dire 500 plus que moi, mais c'est pas tout à fait vrai. Un de ces jours, je vous dirai pourquoi. Heard you lose your taste in hell. chicken in the hall. Then the rooster gave a call. Marjoram's a funny doll. Funny dog. Yeah. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est passé qu'on a eu Rev Gallen. Do You Hear? C'est sur Rev Gallen de 2015. Je cherchais des informations sur ces gens. Gilles Poisard, Catherine Hershey, qui chante les poèmes de son grand-père, Gallen A. Hershey, pasteur fermé à Pontiac, au Michigan. C'est ça. Puis, ça vient de où? Ça a été enregistré où? Ces gens. Rec. Ah. Ouais, c'est ça, Raikia Studio. Bon, c'est ça. Puis on dit que les disques de Rev Gallen ne durent que 22 minutes. Donc, juste assez pour qu'on en redemande. Puis qu'on en veuille encore plus. C'est plutôt très bon. Puis, on en avait mis une autre fois. Oui, on en a déjà mis. Non, tu penses. Jean-Philippe me dit que non. Moi, je pense que oui. Mais c'est bizarre, ça. Ah, mais peut-être que Jean-Philippe peut effectivement commencer à avoir des problèmes de mémoire. Ce qui peut arriver aussi. Même moi, ça m'arrive. Puis on a continué avec Blaze Veluto Collection, la pièce Marjoram sur l'album Weatherman de 2017. C'est vraiment très, très bon. Très, très bon. Peut-être que vous allez le croiser en marchant dans la rue, dans Limoilou. Allez voir Blaze Veluto Collection, puis vous allez reconnaître le gars qui est photographié avec les pieds dans l'eau, avec un chien dans les mains, avec ses cheveux frisés, facilement reconnaissable. Je sais, je l'ai croisé l'autre jour. J'ai fait semblant de ne pas le reconnaître. Comme ça, mais ensuite, je l'ai suivi. Puis, on a terminé avec Doll Kraut, la pièce Wrong sur Holy Ghost People. Ben là, eux, ils vont dans l'horreur. Oui, voilà, dans l'horreur. Dans le film italien d'horreur. Ouais, on peut dire que ça ressemble à ça. Et qu'est-ce qu'on va voir pour commencer le bloc suivant? Maximum Joy, tiens, Judy Nylon, The Flying Lizards. Ah ben ouais, ben on va être un peu dans les années 80. Ouais, ouais, carrément. This is my town. I'll be seeing you. Just a walk along the water to a room without a view. Just as flesh is only matter, rhythm's only time. For pleasure or by habit, was it by design? What is fame but isolation? Someone always watching you. What's a night that has no future? A clandestine rendezvous. continuez quand même dans une voix assez tranquille, Jean-Philippe. Ça, vous avez remarqué, mais joli. Il ne faut pas désespérer, pareil, Jean-Philippe disait que la fin de l'émission va être plus olé olé. Ah, plus rythmé, mais c'était très, très chouette. Maximum Joy, effectivement, tantôt on en parlait, c'est un groupe qu'on n'a pas entendu à l'époque, qu'on ne savait pas que ça existait. Au début des années 80, la pièce s'appelle Silent Street et l'album, en fait, c'est une compilation Unlimited des pièces de 1979 à 83 regroupées en 2005. Il y a quelqu'un qui avait décrit le groupe comme One of the Slits Backed by the Gang of Four, par exemple. Puis, bon, ils font du... toutes sortes de styles. En fait, on va... Est-ce qu'on peut dire... post-punk. Voilà. Oui, post-punk. Les gens aiment beaucoup dire ça. Il y avait maintenant, en fait, c'est drôle parce qu'ils se sont... Ils ont arrêté pendant un certain temps. En fait, ils ont fait de la musique de 81 et 83 et ils se sont rassemblés à nouveau en 2015. Je sais pas de quoi ça a l'air maintenant. Maintenant, il y a Janine Ranford, Tony Rafter, Charlie Rowland. Ça fait, j'essaie de voir comment on peut bien prononcer ça, mais j'adore ça. Marek Béraud et James Byron, que tu connais tous, Jean-Philippe, probablement. C'est ça, moi non plus. Puis, ce sont des anciens au départ qui ont des anciens de Glaxo Babies qui ont fondé ça avec un gars qui était un ex-membre de Pop Group aussi. Voilà. Puis décrivait leur musique comme jazz, reggae, funk and punk, soul et pop, dub et ambient. Voilà, seulement ça. D'après moi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a eu? Judy Nylon et Crucial sur l'album Paul Judy de 1982, la pièce Room Without a View. Judy Nylon qui a travaillé, en fait, a fait toutes sortes de trucs avec Brian Eno. Il y a une jolie photo d'elle sur la page Wikipédia. Puis il y a sans doute beaucoup de jolies photos d'elle dans la vie. Comme ça, puis en fait une artiste multidisciplinaire, mais j'arrivais pas à trouver. Il faudrait que j'aille voir sa page personnelle possiblement pour trouver qu'est-ce qu'elle a fait ça, mais je ne vois pas de trucs sur elle tant que ça, comme ça. Alors il y a peut-être des trucs qu'on peut trouver. Ouais, comme me dit Jean-Philippe, on peut la remercier pour la musique ambiante parce qu'elle a influencé ce style de musique-là en influençant Brian Eno. Ah oui, en lui achetant un disque de harpe lorsque Brian Eno était malade. Alors il a écouté de la harpe, puis ça l'a guéri. Alors il s'est dit, il faut faire de la musique ambiante. Puis on a fini avec The Flying Lizards, sur The Flying Lizards de 1980, avec la pièce The Window, avec la voix de Vivian Goldman. Les Flying Lizards, rock d'avant-garde anglais. OK, on va dire 79 à 84. Beaucoup de très bonnes choses. Puis Vivian Goldman, c'est une journaliste qui a vraiment parlé beaucoup de punk et de reggae dans sa carrière. Puis qui a enregistré un 45 tours culte, le Dirty Washing, en 1981. Puis il est né à Londres de deux réfugiés juifs allemands aussi, dont son papa, avec son violon. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour continuer comme ça? On y va tout de suite. Oh, tiens, Tom Waits. It's 9th and Hennepin. All the donuts have names that sound like prostitutes. And the moon's teeth marks are on the sky like a tarp thrown all over this. And the broken umbrellas like dead birds. The steam comes out of the grill like the whole goddamn town's ready to blow. And the bricks are all scarred with jailhouse tattoos. And everyone is behaving like dogs. Horses are coming down Violin Road, and Ditch is dead on his feet. And all the rooms, they smell like diesel, and you take on the dreams of the ones who've slept there. And I'm lost in the window, and I hide in the stairway, and I hang in the curtain, and I sleep in your hat. And

oui, que c'est bon, The Lounge Lizards. C'est ce qui a terminé le bloc Do the Wrong Thing sur The Lounge Lizards de 1981. Plein de sympathiques personnes là-dedans. Oui, John Lurie, son frère Ivan, Arto Lindsay, Steve Piccolo et Anton Fier. J'aime beaucoup Anton Fier à la batterie. Puis on a écouté ça beaucoup, beaucoup, parce que c'était bon. James White, I Dance with a Zombie, sur l'album Flaming Demonics de 1983. James, vous pouvez le reconnaître sous le nom de Teenage Jesus and the Jerks, Chain Chance and the Contortions, James White and the Black, etc. Excellent saxophoniste et compositeur, puis beaucoup de trucs très chouettes. Et on a terminé, on a commencé le bloc, pardon, avec Tom Waits sur l'album Rain Dogs. 9e rue et Hennepin. Voilà, 9e et Hennepin. Puis Tom Waits, ben, je pourrais bien vous le présenter, mais je sais pas. Je sais pas si ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. Il est né en 1949 à Pomona, en Californie. Voilà, je trouve que ça résume assez bien sa carrière. Quand même, hein, c'est ça, parce qu'à part de ça, qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas, Jean-Philippe? Qu'est-ce qu'il a fait, Tom Waits? Plein de disques, joué dans des films, puis être drôle, vraiment très souvent. Et après une petite pause, Ishak Banja, Amar, puis Jesh Ould Badou et Amedou Abed Lola. Oui, voilà. Thank you. Thank you. faire un tour en Afrique avec d'abord Ishak Banja qui nous faisait Libé Mahadoulé sur un album qui s'appelle Love Songs Volume 2 de 1986. Lui était dans le Eritrean Police Band, ça donc à l'époque où l'Érythrée est encore partie de l'Éthiopie. Et ça a un petit peu nuit à la diffusion de ces trucs, des problèmes politiques là-bas. Mais j'avais cherché à faire une carrière internationale. Il aurait pu. Il s'amuse à jouer sur un Casio. Il fait des cassettes. Puis il enregistre directement, comme ça. Puis on l'aime déjà. Puis on le connaît presque pas. Puis Teranga Beat. C'est la compagnie qui présente ça. C'est ça, en fait, c'est son premier truc vraiment international. Il est sorti, ouais, c'est ça, comme ça. Mais si vous allez à Addis Abeba ou peut-être en Érythrée, vous allez peut-être trouver des cassettes. Mais pour l'instant, ça peut demeurer quand même un peu difficile à trouver. Ama nous faisait Taranam sur l'album Torodi de 2015. Puis Ama est un multi-instrumentiste qui vient du Niger. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Que c'est bon. Voilà, il n'y a pas de tonne d'informations. Mais c'est vraiment très très chouette. En fait, il y a beaucoup de... Tantôt, c'est ça, on disait de Ishak Banja, qu'il fait un son, quelque chose d'original. Et en Éthiopie, avoir quelque chose d'original, avec tout ce qui s'est fait musicalement là-bas, il faut que ça soit original. C'est pas si facile. Gros marché de musiciens. Puis on a terminé avec Tears sur Top WZN, avec Jesh Old Badou et Ahmed Lula. Puis eux, ils sont fous, très certainement. Il y en a un qui joue du synthé, puis l'autre d'une espèce de luth avec préamplifié, puis des trucs comme ça. Puis c'est de la musique hypnotique, de la musique du désert du Sahara. Puis regardez, possiblement, là, juste la pochette. La pochette est vraiment drôle. C'est ça, on a l'impression, je sais pas qui a fait le montage de la pochette, mais il y a du rire en voyant son résultat. Oui, c'est ça, on voit des espèces de dunes rapetissées avec eux, en gros, dans les dunes. C'est ça, puis c'est ça, Jean-Philippe s'inquiète de savoir où ils ont branché les instruments. Voilà, mais ils n'ont peut-être pas besoin de brancher dans ce coin-là. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il nous reste, les Vikings de la Guadeloupe, Grupo Los Yoyi et Meridian Brothers? yemala, la yemala, la yemala, la yemala. para el ritmo antillano, evidente apuñala al bailador. Vista alumbra engañosa, alumbra redondel que simula el amor. El secreto final de la salsa, el martillo y el puñal. Rosas pisando el adagio final, rodean hendidura fácil. Florido encaje se rompe, iniciados caen en secta sucumben. Sangra en ojo del bailador. Levanta fiel la pareja, sacará su hernia para el cinturón. Buitres sonrientes predicen final, preludia el almuerzo indigesto. Los bailadores sobrantes saldrán, ánimo al bailador deshonesto. C'est déjà tout pour nous, c'est déjà tout pour la station ce soir. Les Vikings de la Guadeloupe nous faisaient ambiance viking sur Best of les Vikings de la Guadeloupe. de 1966 à 2016, une compilation parue en 2016. Ils sont actifs depuis 1966. Puis ils s'appellent comme ça parce que le club de foot de Pointe-à-Pitre s'appelle les Red Star Diabla, les Vikings. C'était Casimir Le Tang de l'émission La Gazette Créole qui avait appelé le club comme ça. Puis ils sont actifs comme je dis depuis 66. C'est quand même de la belle longévité, puis c'est plutôt chouette. Ils ont déjà joué devant d'assez grandes foules en France dans les années 70, et ils sont revenus aussi plus récemment. Grupo Los Yoyi, sur l'album Yoyi, il faisait la pièce Banana, un truc qui est sorti en 77, qui a été remasterisé et ressorti. Ce sont des Cubains. Et Entra El Ritmo Antillano, une pièce des Meridian Brothers sur l'album Donde Estas Maria. Et les Meridian Brothers, maintenant c'est un groupe, au départ c'est un projet solo de M. Alvarez. Maintenant il y a quelques personnes, je suis allé... César Quevedo, Damian Ponce, Alejandro Forero aussi, et Maria Angelica Valencia. En fait, il a décidé de faire un groupe pour faire du live, comme ça, puis ça donne d'excellents résultats. Ouais, c'est le tout dernier disque qui vient de sortir, comme me dit Jean-Philippe, le 8 ou le 9 septembre, quelque chose du genre. Le 8 septembre, voilà. Et maintenant, vous voyez, je prends mon ordi, je fais mettre en veille, je ferme le couvercle, j'enlève les écouteurs et je vous dis à la semaine prochaine.